France Inter, franceinter.com. Restez calme, tout va très bien se passer. L'être humain, improbable mécanique lancée dans une quête perpétuelle au cœur des labyrinthes psychiques, où les neurones s'entrechoquent et où Toumaï répond à Aristote. Au fin fond de l'univers, quand il n'y a plus aucune solution, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique. And what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature. Elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça mousse ? Faut voir, je suis resté être vigilant toute la nuit pour remplir notre gros fichier. Enfin, passons, c'est qui notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Isabelle Giordano, dossier Epsilon 002. Qui ça ? Isabelle Giordano. Vous savez, professeur Colin, Isabelle Giordano, l'incarnation vivante de la vigilance sur France Inter. Ne soyez pas sarcastique, professeur Mauduit. Dites-moi plutôt... Comment se présente son dossier ? Mais bon, à mon avis, traiter le dossier Raymond Domenech aurait été plus simple. En gros, elle est complètement barrée et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là. Hein. Bon, nous allons voir ça. Faites entrer la patiente, professeur Mauduit. Isabelle Giordano, vous êtes attendue au studio Labo 81. Isabelle, à table. Bonjour, Isabelle Giordano. Bonjour, professeur. Comment vous sentez-vous ce matin, Isabelle Giordano ? Très bien. Très bien. Sachez, mademoiselle Giordano, que le ministère psychique considère que vous pourriez être dangereuse pour la société. Oula. Vous êtes dans le collimateur de notre gouvernement et nous sommes ici pour décider si votre internement est nécessaire. D'ailleurs, le professeur Mauduit va nous exposer ce qui nous préoccupe chez vous. En effet, votre comportement, mademoiselle Giordano, nous fait penser que vous êtes atteinte. Primo. Du syndrome de Robin Hood. Secondo, de dichotomie narcissique tendance bulldozer, mais aussi de voyeurisme obsessionnel. Et enfin, de troubles névrotiques piterpanisme. Et c'est pas peu dire. Pour fouiller votre santé psychique et répondre aux exigences de notre gouvernement, nous commencerons par dresser votre portrait psychologique. Ensuite, nous vous ferons subir une petite série de tests sadiques. Et enfin, vous n'échapperez pas à nos conclusions impartiales sur votre architecture mentale afin d'établir, bien entendu, une petite prescription non négociable. Et le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre séance, afin de vous préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, montez le son, mademoiselle Giordano. Soyez la bienvenue, c'est la panique et faites connaissance avec un maniaque sexuel du ministère psychique. Spy on me, baby. If you're ready to see me move through the night, aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah. Get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Ow! Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb, well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, yeah, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. L'expérience de la folie ou de la déraison peut avoir une certaine puissance de mise en question par rapport à nos valeurs les plus fondamentales. Nous remercions chaleureusement le professeur Michel Foucault pour son incisive introduction aux méandres du ministère psychique. Ce matin, nous traitons l'abscond dossier de Mademoiselle Giordano. Bienvenue chez les dingues. Notre mission ministérielle, Mademoiselle Giordano, consiste donc à vous confronter à vos propres tourments psychiques. Il s'agit ce matin, en compagnie du professeur Mauduit, de révéler enfin combien vous pouvez être dangereuse pour notre société. En effet, chacun pense aujourd'hui que vous êtes une femme affable, inoffensive et débonnaire. Eh bien moi je réponds conneries et billevesées. Oui, quelle est donc votre réelle psyché, Mademoiselle Giordano? Eh bien, primo, chère Isabelle, vous véhiculez l'image d'une femme qui défend les consommateurs, certes, mais résultat, vous avez évidemment développé des symptômes du célèbre syndrome de Robin Hood, tendance sadique. La preuve par l'exemple. On s'aperçoit que tout a augmenté, ou presque. Si on commence par le café, plus 44%. Le petit croissant aussi qu'on va aller acheter à la boulangerie, dont il a augmenté de plus de 30%. Et puis alors, dans les fruits, ce qui m'a intriguée, c'est le prix de la pomme. Plus 132%. Alors on comprend qu'effectivement, le ressenti, comme on le dit, des citoyens, il soit terrible à la fin du mois. L'euro n'est pas le seul responsable de la hausse des prix. La seule faute en revient aux commerçants qui ont outrageusement augmenté leurs prix. Je suis fatigué. Je suis un petit commerçant fatigué. Bouffé par les grandes surfaces, pourchassé par les huissiers. J'ai le fisc au cul, j'ai l'URSSAF au cul. J'ai la caisse de retraite au cul, j'ai la France entière au cul. Voyez-vous, Mademoiselle Giordano, notre mystère a bien repéré que votre volonté profonde consiste en réalité à monter une France contre l'autre. Justifiez-vous. Justifiez-vous. Il faut que je me justifie. Oui, justifiez-vous. Je connais bien ma table de multiplication. Vous avez entendu comment je parle des chiffres? Plus 34%, plus 20%. Non, voilà, je suis douée en calcul. Combien font 7 x 8, Isabelle Giordano? 7 x 8, c'est horrible cette question. 56, même vous ne savez pas, ça se trouve. Aimez-vous la choucroute, Isabelle? Oui, j'ai un bon coup de fourchette, donc j'aime bien les plats consistants. La choucroute en particulier? La choucroute, oui, pourquoi pas. Ce n'est pas mon plat préféré non plus. Je poursuis. En septembre 2004... vous êtes parvenue, Mademoiselle Giordano, à convaincre certains dirigeants de Radio France que vous aimiez les adolescents et qu'il fallait vous confier une émission de radio consacrée à cet âge ingrat. Le monde selon WAM, disiez-vous à l'époque. J'ai 4 jeunes avec moi, ils ont tous 16 ans. Alors voilà, Léo, Mélodie, Margot, Lilia, qui veut réagir? De toute façon, le meilleur, c'est moi! Tu rigoles? Le meilleur, c'est moi! Bande de pauvres slips! Est-ce que vous trouvez que les cours démarrent trop tôt? C'est mercredi aujourd'hui, maman! Laisse-moi dormir! Non, mais c'est vrai que plus sérieusement, est-ce que vous sentez fatigué, vous manquez de sommeil? File d'ici voir là-bas si j'y suis. Ah, tu penses aux sorties, toi? Non, moi je me demandais, est-ce que vous dormiez en classe? Non. Non, mais regarde-moi un peu ça. Je t'allumais de la tête. Tu trouves ça dur, la vie d'ado, ou pas? Y'a plus d'espoir. Nous voilà seuls à porter le monde sur nos épaules. Une dernière question. Tu aimes ou pas, toi, les repas de famille? Autour d'une grande table, tu aimes ça? Moi, j'aime pas les tartines. Et tu t'ennuies jamais? Non, mais tu t'en mini-crotte. Tu serais pas un peu déglingué de la mythosphère, toi? Est-ce qu'il t'arrive de manger seul? Ce qui est quand même aussi le cas de beaucoup de jeunes. J'en ai ras la mèche que tu sois toujours là, me commander tout le temps. Ah, dès que tu as faim, tu manges. Une banane! Alors, les discussions tournent autour de quoi pour que ça t'ennuie à ce point-là? Écoute-moi bien! Ouvre grand la petite cacahuète qui te sert de cerveau! T'es en train de littéralement pourrir la vie de petit œuf! Alors, tu veux lui rendre service? Laisse-le un peu tranquille, t'as compris? Là encore, mademoiselle Giordano, personne n'a alors soupçonné vos troubles névrotiques Peter Panistes. Justifiez-vous. Aucune perversion sexuelle dans mon attrait pour les adolescents, je vous rassure. Comment tu t'appelles? Odeline. Odeline. Odeline Fion, mais Cédric Dranguet à l'école, il m'appelle Trouduc. Ah. Est-ce que tu sais, Odeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande? Vider les truites. Vider les truites, c'est pas banal. Comme ça, je pourrais en manger plein. Avec des frites? Non, avec de l'huile. Par le passé, mademoiselle Giordano, vous vous êtes rapprochée du groupe Canal+. Très vite, vous êtes devenue la prêtresse du cinéma sur la chaîne cryptée. Et Pierre Lescure, le boss de l'époque, se souvient très bien de votre arrivée. En mettant l'annonce pour une assistante, je m'étais imaginé voir arriver des lycéennes qui voudraient apprendre le métier en portant le café ou bien en faisant des petites courses ou en vidant le cendrier, enfin ce genre de choses. Et c'est là qu'on a vu arriver Miss Bulldozer. Voilà la présentation de l'émission que je pourrais faire en allant à la sortie des salles de cinéma pour demander aux gens ce qu'ils pensent vraiment du film. Une sorte de... Vox Populi, si vous connaissez l'expression. Voilà le mémo sur l'émission pour enfants que je pourrais présenter en direct avec des animaux. Je voulais jeter un coup d'œil, donnez-moi votre réponse demain. Juste deux ou trois pages pour exposer le concept d'interview des citoyens ordinaires, comme des employés de poste ou des contractuels, afin de mieux les informer du genre de services qui sont mis à leur disposition. Hmm? La clarté de ce témoignage est évidente, mademoiselle Giordano. Comment nier votre dichotomie narcissique tendance bulldozer? Sous les apparences candides, il est incontestable pour le ministère psychique que vous êtes prête à tout. Disculpez-vous. Les dents qui raillent le parquet, non, c'est pas moi. Moi, j'aime mon métier, j'aime faire ce que je fais et j'adore le cinéma. C'est la raison pour laquelle pendant 10-11 ans, j'ai adoré parler de cinéma à tous. Voilà, et leur dire que le cinéma, c'était une des choses qui pouvait nous rendre le plus heureux et surtout libres. Voilà. Que pensez-vous de Jean-Marie Messier? Jean-Marie Messier, j'ai le souvenir de l'avoir apostrophé dans une réunion à Canal, mais sinon, je n'ai pas d'opinion particulière. Je pense qu'il a... Il a coulé le groupe, quand même, non? J'osais pas le dire. Disons qu'il a un peu écorné l'image Canal. Écorné? Mais peut-on rester à jamais, voilà, une chaîne ado, rebelle, etc., etc. Il y a un moment donné, il faut vivre l'âge adulte. Éplez-nous le mot chaîne, Isabelle. Chaîne? C-H-E... Accent grave, N-E. Oui, alors Philippe Collin, on voit évidemment ici la volonté de dénoncer tous ces glands. Voilà. Non, je pensais à un très beau film de Lucien Pinti, Le Chêne, très beau film roumain. Mmh. Vous vous en sortez bien. Dites-nous, Isabelle, cache-cache partie ou coucouche panier? Cache-cache. Cache-cache partie. Pourquoi donc? Coucouche, c'est terrible, non? Enfin, je donne pas trop dans le SM, non? Ah, le SM. La science-fiction. Non, voilà. Moi, j'avais également cache-cache panier ou coucouche parti. Exactement. Malgré les affiches, hein, je suis désolée, mais bon, il y a des gens de mon équipe qui m'appellent maintenant Miss Domina, mais ne croyez pas. SM, donc. Là. Je ne suis pas posée comme ça devant mon bureau tous les matins quand vous me voyez à la machine à café, mais c'est une manière de dire, voilà, soyons vigilants, soyons forts et ne nous laissons pas avoir par cette jungle qu'est la société de consommation. Ça suffit, les mecs! Ou je vous fous une raclée! Si je vous dis en quatre lettres, Isabelle. Quatre lettres. Comme ça, j'improvise. Ce que vous voulez. Point. Non, ça ne fait pas quatre lettres. Ça ne marche pas. On va y arriver. En quatre lettres. Têtu. Têtu? Oui. Pourquoi têtu? Je ne sais pas, c'est mon inconscient qui a parlé. Votre inconscient? Professeur Mauduit? Bah écoutez, moi, je fais potache avec le T de têtu et j'ai mot contre trip. Merci Philippe Collin. Je vous en prie. Parfait, mademoiselle Giordano. Nous avons scrupuleusement noté toutes vos réponses, mais vos prestations n'arrangent guère votre cas. Le ministère psychique ne traque que la vérité, la sienne. L'étape suivante consistera à vérifier l'étendue de vos facultés mentales, alors restez éveillés, vaudrait mieux pas pioncer. Sur mon oreiller, dès que je ferme les paupières, je fais des trucs extraordinaires. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Sur mon oreiller, chaque nuit je sauve le monde. Y'a plus un méchant à la ronde. Superman peut se rhabiller. Couché dans la plume, je dors comme une enclume. Mais mon cerveau m'entraîne au loin voyager. Sur mon oreiller, sans fatiguer, je peux te faire plusieurs fois le tour de la terre avant d'aller me réveiller. En première classe, on m'invite dans des palaces, y'a jamais moyen de payer. Sur mon oreiller, partout où je vais c'est la fête, les filles finissent en nuisette et veulent me raccompagner. Couché dans la plume, je dors comme une enclume, mais mon cerveau fume et m'entraîne au loin voyager. Sur mon oreiller, sans fatiguer, je peux te faire plusieurs fois le tour de la terre avant d'aller me réveiller. C'était Moussuté et les Jovents qui se réveillent péniblement sur leurs oreillers. Wake up, mademoiselle Giordano. Explorer l'inconscient, telle est la mission du ministère psychique. Ainsi, après avoir cerné les symptômes schizophréniques de la patiente, l'équipe du professeur Colin poursuit maintenant son analyse et soumet la patiente à la question. Alors, après avoir dressé votre inquiétant portrait psychologique, mademoiselle Giordano, nous allons dès à présent entamer une série de tests un peu sadiques et nous allons commencer par quelques questions a priori très simples. Mais lâchez cette fourche et arrêtez de me piquer. Arrêtez de faire croire des choses à nos auditeurs qui sont totalement fausses. Primo, regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux, Isabelle Giordano. Oui. Alors, selon vous, Isabelle, réfléchissez bien. Quelle est la différence entre un pigeon ? Un pigeon et ? Quelle est la différence entre un pigeon ? Je répète ma question, Isabelle. Entre un pigeon et Stephen Bern, par exemple ? Ah. Non ? Allez-y, nous notons. Donc, entre un pigeon et Stephen Bern. Donc, je répète aucune ma question. Aucune agressivité dans, je répète ma dans mes question. Propos. Quelle est la différence ? J'aime beaucoup Stéphane. Eh ben voilà, allons-y, le merveilleux monde, hein, on envoie un truc, puis derrière, on... Hein, eh ben voilà. Moi, je vois très bien où il veut en venir. On va pas sombrer Philippe Collin dans ses pièges. Vous attendez qu'on dise un pigeon, c'est un électeur de la classe moyenne qu'aurait voté Nicolas Sarkozy. Hors de question de passer cela à l'antenne sur France Inter. Non, on est bien d'accord. Alors, nous allons passer maintenant à un exercice un peu plus compliqué. Le ministère psychique a élaboré un test de Rorschach radiophonique adapté à votre cas, Isabelle. C'est très simple. Nous vous envoyons un extrait sonore et dans la foulée, vous nous dites à quoi il vous fait penser. Vous êtes prête ? Prête. Parfait. Écoutez bien, voici le premier extrait sonore, mademoiselle Giordano. Interprétez-le comme vous le souhaitez. Ok, Que vous évoque ce son, Isabelle ? Cela pourrait être moi en train de jouer du piano. Je suis une piètre musicienne. Vous jouez du piano ? Non, très mal. Vous jouez de la musique ? J'ai joué de la guitare ado, mais voilà, j'ai arrêté au bout de deux ans. Qu'est-ce que vous jouiez en guitare ado ? Flamenco. Flamenco ? Mmh. Non, c'est un peu triste, non ? Non. Bah, vous aviez quel âge ? Non, mais ado, on en est dans... Vous... À 15 ans. Notez, professeur Mutui. Je note flamenco. Je note que la patiente savoure la musique italienne de ses origines, le flamenco. Alors, attention, mademoiselle Giordano, voici le son suivant. Vos réactions, Isabelle ? Dites-moi, il faut avoir beaucoup d'imagination avec vous. Hein. Eh oui. Nous sommes là pour sonder votre inconscient, alors nous vous laissons réfléchir. Les pas de Frédéric Schlesinger qui vient nous annoncer nos audiences, et on a tous peur. Ah, vous redoutez Frédéric Schlesinger ? Oui. Vous avez peur de Frédéric Schlesinger ? Oui, terrible. C'est vrai ? Le patron de France Inter. Ah. Debout, ta punaise ! Montrez-moi que vous en avez une paire ! Chef, oui, chef ! Je n'entends rien. Est-ce que c'est clair ? Chef, oui, chef. Si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, un prêtre de la mort implorant la guerre. En attendant, vous n'êtes rien. Du branle-manne végétatif, de la merde, de la chiasse, du vomi. Est-ce que c'est clair ? Chef, oui, chef. Attention, en quelle année sommes-nous, Isabelle ? 2006. 8. Bonne réponse de la patiente. Notez la réponse. Prise en flagre. Professeur Mautuy. On a même failli se gourer sur l'année. Mais je vous l'ai dit, moi, je vis parfois. Certains jours, je vis en 1860. Je suis dans un western ou je suis... Bien voilà. Ce qu'on pense, mais à un moment, on n'est pas loin. Très bien. On attaque le son suivant. Je ne suis pas pétomane, mais j'en ai connu beaucoup. L'épée, alors là, ça se manifeste d'une façon bruyante et, quoique spirituelle, très pleine de tous les résidus de ce qu'il y a de plus viscéral dans l'organisme, c'est-à-dire la digestion. Alors, votre réaction, mademoiselle Giordano, sans aucune contrainte ? Je me demande quelle est cette voix ? C'est le cousin de Salvador Dali ? Non ? C'est le maître lui-même. C'est le maître lui-même, j'avais un doute. J'adore Salvador Dali. Et quand même, le pétomane, pour moi, restera aussi en seconde position, Bruno Carrette. Excellent, Bruno Carrette. Qui avait un talent inimaginable, voilà, qui était donc l'un des quatre nuls à l'origine. Dans des questions que nous vous avons posées dans une réunion préparatoire à cet entretien. Non. Si. Non. Ah ben si. Ah ben si, il faut le dire, Isabelle. Il faut le dire. Nous vous avons demandé. C'était pour rire. Question numéro 13, me semblait-il, de ce questionnaire. Que pensez-vous léguer à la postérité ? Vous m'avez répondu. Mon odeur d'épée dans l'ascenseur. Non, j'ai pas dit ça. Ah si, ah ben, elle ment en plus, elle ment. J'ai le questionnaire sous les yeux, je peux vous lire la réponse intégrale de mademoiselle Giordano. Quelques odeurs de paix dans les ascenseurs, et puis avoir donné envie d'aller au cinéma à ceux qui n'y avaient pas pensé auparavant, on s'en fout. Donc, quelques odeurs de paix dans l'ascenseur, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas possible, vous l'avez rajouté. Vous mentez, non, c'est votre écriture. C'est le questionnaire foutraque. Exactement. Vous m'avez demandé de dire n'importe quoi et d'être aussi foutraque que vous, ce qui est quand même difficile. N'importe quoi, on n'a jamais dit ça. Bref, citez-moi quelque chose de gros, Isabelle. Guy Carlier. Notez, professeur Mautuy, notez donc Guy Carlier, très bien. Nous poursuivons, écoutez bien ce nouvel extrait, Isabelle. Maïlys arrive seule pour assister à son dernier feu de camp. Bonsoir. Bonsoir, Céline. C'est le dernier feu de camp ? L'expérience touche à sa fin. Pour vous, elle n'aura duré que quelques jours, mais c'est un moment important, puisque dans quelques minutes maintenant, Nathan sera là à côté de vous. Vous pourrez alors tout lui dire, tout lui raconter, tout lui demander aussi. Et ensuite, à l'issue de ces retrouvailles, quand vous vous serez vraiment tout dit, je devrais vous poser une question, et ce sera ma dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément ? Réaction, Isabelle Giordano ? C'est incroyable à quel point, effectivement, les téléspectateurs et les gens qui participent à certaines émissions peuvent être masochistes, en fait. Je ne pourrais jamais, en tout cas, participer à ce type d'émission. Vous avez reconnu le son ou pas ? Fort Boyard, non, c'est pas ça ? Non, c'est pas Fort Boyard, c'est l'île de la Tentation. Ah, pardon. Décidément, je suis mauvaise en questionnant. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Salut à toi, noble étranger. Salut, salut. Il est pas là, le petit nain ? Non. Parce que d'habitude, il... Oui, je te souhaite chance et perspicacité. Je te rappelle que si tu ne trouves pas l'indice, la clé tombera dans la mer. Je te rappelle qu'il s'agit d'un illustre personnage, il y a longtemps, très très longtemps. Oh, Yvan Noé ? Non, attends, je n'ai pas commencé. Oh, d'accord. Alors, voici maintenant le dernier son de notre série. Écoutez bien, Isabelle, c'est parti. Alors, Isabelle ? Le bruit du consommateur trop content d'avoir acheté un iPhone, non, c'est ça ? Après avoir fait la queue pendant des heures et des heures pour acheter un iPhone à 499 €, un outil qui ne sert à rien, vanté dans tous les journaux télévisés radiophoniques. Vous avez vu comme elle est maligne, professeur Maudvi, elle vient de placer iPhone 3 fois, elle va en recevoir 6 gratos la semaine prochaine. Eh ben, et elle donne le prix en plus. C'est formidable, le service public. Votre réponse est étrange, hein, tout de même. Vous allez découvrir... Non, je cherche juste à faire ce que je fais dans le service public, à dire aux gens que de temps en temps, voilà, nous sommes entourés de produits que l'on achète et qui ne servent à rien. Très bien. Lactimel, par exemple, vous en prenez ? Allez, hop, un régime Lactimel pour vous, gratos, la semaine prochaine. C'est du lait un peu sucré qu'on vous vend 4 fois plus cher dans une petite bouteille en plastique qui, en plus, va polluer. Voilà. Non, mais c'est scandaleux. c'est un vrai scandale. C'est scandaleux, oui. Non, mais c'est scandaleux. Vous allez découvrir ce que notre patiente Marie Coleman, qui, sachez-le, n'a plus de limite puisqu'elle a dépassé les bornes, nous a répondu lorsqu'on lui a soumis ce son que nous venons de vous imposer, Isabelle. Découvrez, mademoiselle Giordano, la folie douce de notre pensionnaire Marie Coleman quand elle entend ça. Non, mais c'est mon ami. Oui, Marie. Oui, c'est mon ami. C'est votre nouvelle amie. Oui, parce que cette semaine, je suis devenue grizzly friendly. Ah, tiens. Voilà, ouais, parce que déjà, grizzly, ça me fait rire comme mot. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, on a le droit en même temps. Et puis le bear a toujours été mon ami. De toute façon, déjà, dans le marais, c'est mes amis, les bears, les types avec les poils et les chemises à carreaux et d'accord. Tout ça. Bon, mais. En même temps, ce n'est pas du tout ça. Moi, je suis en train de monter un groupe sur Facebook. C'est pour sauver les ours du pitbull à rouge à lèvres. J'ai nommé donc Sarah Palin. Voilà. De rien, oui. Alors, d'abord, il y a eu l'affaire Teddy, oui. Qui était un brave type, qui vivait en Alaska, qui était peinard, qui était très serviable avec les autres, etc., qui a fini lamentablement sur un canapé doublé de feutrines saumon dentelées, ce qui est quand même un peu la mouise, quoi, quand même, pour Teddy. Bon, donc, nous, on est un peu en deuil de Teddy. Bon. Alors, par ailleurs, c'est quand même un peu panique sur la banquise en ce moment, puisque Sarah Palin veut faire adopter une loi qui autorise les chasseurs à tirer les ours à bord d'un hélicoptère ou d'un avion. Donc, nous, les Grizzly Friendly, on pense que c'est plus de la chasse, ça s'appelle vitrifier, ça, vous voyez ? Et oui, bien sûr. Voilà. Et en plus, pour ceux qui auraient échappé, quand même, par miracle, hein, j'ai envie de dire, à ce bombardement près duquel le chemin des dames fait figure de promenade de santé, il reste un autre danger. Assez grave quand même, il reste le danger d'atterrir sur la tête d'un garde de Buckingham Palace, car ce splendide bonnet, vous savez, noir, en fourrure, c'est de la fourrure de l'ours. La fourrure, c'est pas vrai. Mais si. Ah ben c'est de la fourrure de l'ours canadien, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est épouvantable. Alors pourquoi se coiffer d'un ours mort, hein, vous voulez que je vous le dise, par rapport à de la fourrure synthétique ? Bah parce que l'ours est imperméable. C'est pas vrai. Si, l'ours est imperméable. Bah oui, c'est quand même important. Eh oui, c'est important. On a rarement vu des ours avec des petits cirés. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai un autre ami qui s'est rejoint à mon groupe de sauvegarde des ours sur Facebook. Oui. Alors, lui, il est d'un autre continent. Il est de la vieille Europe, j'ai envie de dire. Il est slovène. Il s'appelle Balou. Balou. Et il a été réintroduit en tout bien, tout honneur, je vous rassure. Oui, alors. C'est idiot ce mot, non ? Non, oui, c'est donc, vrai. Dans les Pyrénées, jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez. C'est un nouveau slovène dans les Pyrénées, un nouvel ours slovène. Non, il a été introduit en juin 2006. Juin 2006. Hein, selon la terminaison officielle. D'accord. Et il était narpé, voilà, il était bien et heureux, jusqu'à ce que le week-end dernier, il y a quand même un type qui l'a confondu avec un sanglier. Ah. Ce qui est quand même extrêmement désagréable et qui lui a tiré dessus. Donc le chasseur a eu peur. Donc voilà, c'est un truc. C'est une... Voilà. Et il a tiré sur Balou. Très bonne nouvelle pour les grizzly friendly comme moi. Balou est encore en vie. Le monde est de plus en plus dingue. Merci, Marie Coleman. Mais ah oui, merci, Marie Coleman. Moi, je vais me mettre sur le groupe là de Grizzly Friendly. Eh bien, justement, Isabelle Giordano, dites-nous quel gros ours. Vous qui ressemblez à un ours. Mais quel gros ours sommeille en vous? Un gros ours qui sommeille en moi? Est-ce qu'il y a un gros ours qui sommeille en vous? Oui, un gros nounours paresseux. Oui, je me mets facilement dans la catégorie des gens qui aimeraient bien rester au lit toute la journée, voilà, et pas venir travailler. Rajoutez feignasse en plus, professeur Mauduit. Très bien, mademoiselle Giordano, le professeur Mauduit, moi-même, avons retranscrit toutes vos réponses. Mais pour terminer, Isabelle, pouvez-vous nous réciter les voyelles de la langue française? A-E-I-O-U. Eh bien, très bien. Découvrez maintenant ce que certains pensionnaires du ministère psychique fabriquent avec ces fichues voyelles. C'était les Sans Sauveurs dans leur adaptation freestyle d'Eddie Cochrane, sans les consonnes, bien sûr. Eh bien, messieurs, notre première question, si vous le voulez bien, sera la suivante. Pourquoi cet intérêt subit du grand public pour les malades mentaux en général et les fous en particulier? Avant tout, nous remercions le professeur Guimard pour ses informations essentielles qui réjouissent le ministère psychique, puisque les fous, visiblement, te fascinent. Alors justement, poursuivons dès à présent nos investigations, mademoiselle Giordano. Je vous rappelle que vous êtes devant nous ce matin pour tenter de nous éclairer sur certains symptômes inquiétants de votre comportement psychique. Après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que vous êtes réellement dangereuse pour notre société. Cela dit, figurez-vous que l'éthique du ministère psychique refuse toute erreur clinique. Nous ne voudrions pas vous escamoter à tort, et pour éviter cette perspective, mademoiselle Giordano, nous blindons nos expertises. Ainsi, j'ai demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir votre dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait, pour ainsi dire, obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Merci, professeur Colin. Bon, alors vous m'avez demandé aujourd'hui une expertise sur le cas de notre patiente, mademoiselle Giordano, ici présente. Moi, je comptais beaucoup sur le fichier Edwige pour collecter des informations sur mademoiselle Giordano et j'étais même prêt à échanger sa fiche contre celle de Laurence Parisot, que d'ailleurs j'ai en double dans mon album de sticker Panini. Mais vous le savez, Philippe, à cause de tous ces gauchistes énervés, la vie devient difficile pour notre gouvernement. Moi, je vous cache pas, je comprends pas pourquoi ça pose autant de problèmes, ce fichier Edwige. Parce que connaître les pratiques et les orientations sexuelles de Bernard Thibault, ou je sais pas moi, enfin, savoir avec qui couche Casimir est sans conteste une garantie pour la sécurité nationale. Vous savez, Philippe, la pénétration dans la vie privée et l'entrisme se déclinent de différentes manières, car pour lutter contre les agents de la déstabilisation, il n'y a pas d'asnard, il n'y a que des écarts d'attitude. Donc, sans Edwige pour rechercher les antécédents familiaux de Mademoiselle Giordano, j'ai dû me plonger dans la littérature scientifique. Ainsi, j'ai relu cet article fondamental du professeur Mortelmans sur les antécédents tectoniques du Graben de Lupemba au Katanga, un article qui fut publié dans le bulletin de volcanologie de décembre 1953. Vous savez bien, Philippe, cet article montre que la zone de faiblesse de l'écorce terrestre du Graben de Lupemba se superpose à la partie axiale de la chaîne kibarienne. Bon, en fait, pour simplifier, c'est un peu comme le fichier Edwige qui se superpose au carnet B, ce si sympathique fichier construit par la police au début du siècle dernier pour lister tous les dangereux perturbateurs à incarcérer au moindre écart. Eh bien, curieusement, dans l'article sur les antécédents tectoniques du Graben de Lupemba au Katanga, j'ai trouvé très peu d'informations sur les antécédents familiaux du cas Isabelle Giordano. C'est bizarre. C'est étrange, mais en revanche, je me suis plongé dans d'autres sources. Et là, j'ai pu percevoir à quel point notre patiente d'aujourd'hui est un dangereux agent, à la solde des forces de déstabilisation, qui cherchent à détruire notre société d'ordre si courageusement défendue par Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Ainsi, saviez-vous, Philippe Collin, que le nom même de Giordano est un appel à la rébellion ? Arrêtez ! Et par exemple, au XVIe siècle, un certain Giordano Bruno, copernicien notoire, a voulu déstabiliser l'Église en criant dans toute l'Europe que l'univers était sans doute peuplé d'un nombre infini de mondes semblables au nôtre. Certains voient même en Giordano Bruno un des premiers anarchistes, ou pire, l'ancêtre d'Igor et de Grishka Bogdanov. Bon, je vous rassure Philippe, cet hérétique de Giordano fut brûlé vif par l'Inquisition en février 1600, d'une pratique qui a prouvé son efficacité dans le débat d'idées. Oui. Oui, mais en revanche, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est ce Franco Giordano, le secrétaire national du Parti de la Refondation communiste italien. Ah! Eh oui, non mais là, ah. Philippe, c'est bien la preuve que nous avons affaire avec Isabelle à un agent infiltré qui cherche à pourfendre le système capitaliste. Et ce titre-là de son émission, Service public, c'est une provocation à un moment où notre gouvernement sue sang et eau pour le faire disparaître. Donc moi, je vous le dis, Philippe, cette Isabelle Giordano est une menace pour la bourgeoisie possédante qui tremble chaque matin en écoutant la radio. Tenez par exemple. Imaginez le calvaire quotidien de ce pauvre Carlos Ghosn, le PDG de Renault. Tous les matins, Carlos, il est là, tranquille à son bureau, tire-lit pimpon sur le chihuahua, un coup en l'air, un coup en bas, quand soudain, à 10h, c'est l'angoisse. Quand il entend la passionnaria de Giordano lancer ses appels à la révolution, il se jette sous son bureau, tremble de terreur. Quand Isabelle déclare en direct « Nous sommes certes petits et mortels, mais nous avons au moins notre propre enfer et nous choisissons qui nous allons tuer. » Ah, non, excusez-moi, c'est ça, c'était pas une citation d'Isabelle, c'était de Giordano Bruno. Désolé Philippe de la confusion, mais à sans Edwige, moi je suis perdu dans mes fiches. Qu'avez-vous à répondre, Isabelle Giordano ? Êtes-vous un agent déstabilisateur infiltré contre l'ordre établi ? Vive Giordano Bruno. Ah, vous le connaissez. Vive les spaghetti vongole. Mi metti una pizza margherita anche. Notez, professeur Mauduit, le patient, la patiente perd ses moyens. La patiente a faim. Du calme, on va manger après. Avant d'émettre nos conclusions définitives, je remercie le professeur Mauduit pour son exposé. Il n'y a pas de quoi. Et je vais maintenant, mademoiselle Giordano, vous soumettre à un questionnaire très ordinaire. Ne cherchez pas à vous soustraire, répondez-y le plus naturellement possible. Allons-y. De quel animal vous sentez-vous le plus proche ? Le chat. Le chat. Pourquoi le chat ? Le chat, discret, élégant, ne sert à rien. Voilà. Ah, pour nous, votre côté chat ressemble plutôt à ça. J'adore les grands types baraqués qui n'ont pas peur de jouer les durs devant une femme sans défense. Vas-y, en douceur, c'est mon dépucelage. Je suis Catwoman. Écoutez-moi, Roger. Qu'en dites-vous, Isabelle? Sublime Halle Berry, c'est elle, non? C'est Michel Pfeiffer. Ah, c'est oui, pardon. Batman 2, le retour. Pardon, pardon. Vous êtes plutôt gros greffier vautré sur le canapé ou Catwoman, alors? Catwoman. Ah. Mais vous êtes plutôt croquette ou poisson frais? Poisson frais. Poisson frais. Filet de Saint-Pierre. Voilà. Alors, bar avec un petit peu d'huile d'olive. Ça, et la bouffe, c'est la bouffe. Hein. La bouffe, c'est je bouffe. Hein. Ça, c'est... Alors, vous vous sentez proche des chats, Isabelle. Mais connaissez-vous la soupe de chat? Non. Pourtant, vous devez aimer la soupe de chat. Mais n'en abusez pas, Isabelle. Isabelle! Debout! La ketchup, c'est ce que c'est? De la merde! Alors, le ketchup vient du mot catsup, soupe de chat, que les Anglais, qui revenaient de pays lointains, ont introduit en Angleterre, avec généralement des matières qui sentaient un peu le poisson. C'était, je ne veux pas dire que c'était le Nguyen Mam vietnamien, mais c'était un produit de ce type qui permettait de relever le goût des aliments. Isabelle, debout. La ketchup, c'est ce que c'est? De la merde. Alors, le ketchup, cette sauce hybride saturée de sucre, c'est de la merde pour vous aussi, Isabelle? Ah oui. Vous n'aimez pas ça? Non. Savez-vous qu'il existe maintenant un ketchup à base de cassis fait par des écolos, bio, militants, etc. J'ai découvert ça. Mais c'est une émission sur la bouffe que vous confiez. C'est pas possible. Vous avez pas remarqué? J'ai failli tuer Jean-Pierre Coff. Ah, c'était vous. C'était vous. Notez, professeur Mauduit. Vous êtes donc une gourmande, Isabelle. Mais quel genre de cuisinière êtes-vous? J'aime cuisiner les pâtes, par exemple. Enfin, elles sont bonnes ou pas bonnes? C'est le genre de cuisinière. C'est bon ou c'est pas bon? Si, c'est bon. Enfin, je crois que c'est bon, oui. Moi, j'adore. Prétentieuse. Quel est votre rapport à l'aliment de base qui nous fait revenir à notre moi premier? À quoi reconnaît-on qu'un pain est bon sans goûter? Ni à l'aspect, ni à l'odeur, mais au son que produit la croûte. Oh, une symphonie croustillante. Seuls certains grands pains sonnent comme ça. Alors, Isabelle, quel est votre rapport au pain? J'aime le pain, mais je suis en train de me demander si c'est une vraie ou une fausse pub. Ce n'est pas une vraie ou une fausse pub, c'est un extrait d'un film qui s'appelle Ratatouille, qui parle de du pain, en l'occurrence, dans l'extrait que nous avons passé. Alors, quel est votre rapport au pain, Isabelle? Vous bouffez du pain beaucoup? Beaucoup, non, mais le bon pain frais, avec du fromage, avec du beurre. Baguette, pain de campagne, bio, sésame, c'est quoi? Plutôt pain gris. Pain gris? Qu'est-ce que c'est que ça, le pain gris? Pas le pain blanc. Ah, pain gris. Voilà. Notez, professeur Mauduit, pain gris. Mais ce que vous nous dites sur le pain ne nous étonne pas trop, Isabelle, puisque nous avions déjà cette information. Lorsqu'Isabelle arrive chez le boulanger, elle demande aussitôt de petits croissants chauds qu'elle dévore à toute allure avant de prendre le métro. Place Victor Hugo. Quelques minutes suffisent pour avaler un bon sandwich, jambon beurre, et après une tarte aux ananas et derrière un café noir bien serré pour se remonter. Avez-vous déjà rêvé, Isabelle, de passer une nuit dans une boulangerie? Oui. Racontez-nous ça. C'est un rêve que j'ai fait à plusieurs reprises, un rêve récurrent, ah, comme on dit, en psychanalyse. Voilà, être enfermée dans une boulangerie. Et qu'est-ce que vous y faites dans la boulangerie? Tout goûter, pouvoir manger. Voilà. Vous empiffrez, quoi. Hein. Les millefeuilles, les éclairs au chocolat, voilà, les petits bonbons, voilà, tout. Un vrai rêve. Et je me lève le matin, je me sens un peu ballonnée. Voilà, non, ça ne fait rire personne, pardon. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de nous dire, là, depuis 5 minutes? Alors que de nombreux êtres sur cette terre meurent de faim. Non, oui, non, non, non, non, vous allez voir où je veux en venir. Je suis un peu décontenancé. Vous vous sentez l'âme d'un chat, certes, dans toute sa complexité féline. Et vous avez développé une obsession autour de la boulangerie, rêve récurrent. Vous vous rendez compte, Isabelle? Ce que vous êtes en train de nous dire, vous saisissez ce que votre inconscient nous révèle? Parce qu'un chat dans une boulangerie, ben... Hervé, la voilà, la voilà. Tu l'as vu retourner? La pomponnette, dit garce, salope, ordure, C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre Pompon, dit, il s'est fait un mauvais sang de fesse depuis hier. Il tournait, il irait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Qu'en dites-vous, Isabelle? Oh, j'adore cet extrait. Magnifique, mais vous concernant, on est là pour ça. Bon, d'abord, je remarque que je suis venue ce matin me faire traiter de garce et de salope. Oh non, non, ah ben non, ah non, ah non, ah ben non, arrêtez, arrêtez. C'est, vous donnez des choses comme ça, le rêve, la boulangerie, le chat, nous forcément, mais on se dit, il y a un problème. Pas mal, je vois que vous êtes de très bons docteurs. Psychanalyste, hein, plus que psychiatre. Ah, on est un peu entre les deux. On se cherche encore un peu, d'ailleurs. Alors, nous sommes troublés par ce que nous venons de découvrir et bien entendu, nous en tiendrons compte pour établir notre diagnostic différentiel de votre personnalité. Certes, votre cas s'annonce critique, mais moins que celui de certains pensionnaires du ministère psychique que vous ne laissez pas insensible d'ailleurs. Et figurez-vous, mademoiselle Giordano, qu'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, vous offre ce petit présent. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien Isabelle. Tu défends le consommateur. Pourtant je suis pas con, je suis pas sot, ouais juste un peu mateur. Isabelle la belle, ma Giordano olympique, tu dénonces les abus. Moi aussi, quand j'abuse, j'ai plus soif. Ouais, même si je comprends pas tout, quand tu nous parles du commerce des chevaux. Tu sais, le commerce d'équitation, hein? Ouais, équitable, ouais, c'est moi qui dis ça. Isabelle, ma vigie pirate, tu te bats contre les arnaqueurs. Moi, je ne suis qu'un bizarre niqueur. Tu dresses ton service public face à mes sévices privés. Mais je peux t'aider dans ton combat par rapport au pouvoir d'achat. C'est qui d'abord, H.A.? Hitler, Adolphe, ouais, il faut plus qu'il ait de pouvoir, il a fait trop de mal ce bouffon. Ouais, Isabelle, tiens bon la barre et tiens bon le vent. Jordi, ah no. Ouais, ça c'est Hugo Frey, comme ma bière. Elle est au frais. Ouais, j'y vais. Ouais. Ouais, j'y vais. Excellent. Merci, merci, Excellent. Long corps chétif. Alias Marco Mutel, on va le balancer quand même. Hein. Alors Isabelle, seriez-vous effrayée à l'idée de partager une cellule capitonnée avec ce patient? Avec Marco, oui. Ah c'est vrai? Ah merde, Marco c'est con. Hein. Désolé. Dommage. Professeur Mauduit, on va garder Marco avec nous. Et j'amène ma cravache que j'avais cachée. Elle est sur la fiche. Nous y voilà, parce que tout le monde se dit ouais la photo et tout, où est le fouet? Il y en avait une, il y en avait un de fouet. Il est pour Julien Courbet le fouet. Ah très bien, parfait. Vous êtes en guerre contre Julien Courbet. Hein. Mais non, c'est gentil, c'est gentil. On s'amuse. Vous avez vu sa dichotomie, hein. C'est genre je suis Candy et tout d'un coup boum, hein, je mets un coup de latte, hein. Ou alors je mets un coup de latte et je deviens Candy. Incroyable. Nous notons votre réponse et passons dès à présent au moment crucial de notre analyse. Il m'appelle la folle, je ne sais pas pourquoi. Loin de moi tout s'envole, dès que l'on m'aperçoit. Par de dures paroles, je suis montré du doigt. Il m'appelle la folle, je ne sais pas pourquoi. Après nos pérégrinations psychologiques, il est l'heure, mademoiselle Giordano, de vous confronter au redoutable diagnostic différentiel de votre personnalité. Évidemment, les voyants ne sont pas au vert, Isabelle. Après son analyse, voici la sentence du ministère psychique. Comme nous le soupçonnions, votre architecture mentale constitue un authentique danger pour notre société. Perverse polymorphe, vous avez développé une effroyable faculté à nous faire gober que vous êtes Candy, alors que vous êtes une redoutable Catwoman. C'est pourquoi, afin de vous éviter la camisole, vous avez maintenant quelques instants pour vous lancer dans une réelle séance d'autocritique. Le ministère psychique vous écoute, mademoiselle Giordano. Oui, j'avoue, j'ai fait croire que je pouvais défendre le consommateur. Je ne sais pas si j'en suis vraiment capable. Oui, j'avoue. J'ai fait croire que le cinéma, c'était merveilleux. Il pouvait nous aider à être libres. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Oui, j'avoue, j'ai passé un moment avec vous et je constate, c'est vrai, que vous êtes des malades mentaux. Vous êtes vraiment barrés. Et vous êtes payé pour faire ça. Eh oui. Êtes-vous payé autant que Stéphane Guillon, c'est-à-dire 5 ou 6 euros sur la feuille de paie? Ah mon Dieu, non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'était ça ou McDo. Oui, donc. Très bien, mademoiselle Giordano. Vous échappez à la cellule capitonnée du ministère psychique. Néanmoins, nous vous prescrivons un petit traitement. Car voyez-vous, mademoiselle Giordano, il est impératif de libérer vos instincts félins. Le ministère psychique vous recommande de vous réconcilier avec votre psyché profonde et d'être bien plus agressive encore dans votre dénonciation du système. Restez calme. Tout va très bien se passer, Isabelle. Voici notre prescription. Tu es une panthère dedans. Tu es seul maintenant. Et il te faut chasser. Crachez votre venin, Isabelle. Je prends note de l'ordonnance. Voilà, combien? 2 ou 3 fois par jour, entre 10h et 11h, c'est ça? C'est parfait. Vous êtes libre de regagner le monde libre, mademoiselle Giordano. Mais nous ne manquerons pas de surveiller dès lundi matin à 10h sur Inter les faits de notre traitement. Accentuez la différence, Isabelle. Sinon, nous vous internons immédiatement. À bientôt, mademoiselle Giordano. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais... Qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 2e consultation du ministère psychique. Nous vous remercions grandement, Isabelle Giordano. Merci, professeur Colin. Merci, mais professeur merci. Mauduit. Merci. Merci de m'avoir permis de m'autoflageller. C'est merci parfait. À vous, Isabelle c'est Giordano. Le but. C'est le but. Nous vous retrouvons dès lundi matin en direct sur France Inter c'est à bon, 10h je m'autoflagelle. Pour service public. Merci beaucoup à vous en tous les cas. Xavier Mauduit, notre co-auteur, notre co-professeur. Oui, et je moi-même. Vais te flageller aussi. Allons-y, hein, flagellation pour tout le monde. Il sort les fouets. Quoi. Remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique. Le maestro Marco Mutel aux manettes, alias Long Corps Chétif. Aïe. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Fabrice Desmaz. Merci, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard et Yvan Beaujolais pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Marie Colman et Julien Degast pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de Lina. Ah, eux, tout... eux, je leur mords les fesses. Pour toutes les informations complémentaires, elle est folle. Le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion en souhaitant que cela fonctionne cette semaine. Pour la suite, nous vous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Manche à Palace, nouvelle version. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Qu'est-ce que vous lui faites à lui, Isabelle? Je dirais juste que lui n'a pas un nom de poisson. Philippe Meyer, pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libère ta folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?